pas maman quand elle te dit que je suis un connard. Ton père était une star, j'avais pas le temps de changer tes skibas. Je traînais dans des pubs et des chatards le soir. J'avoue, je t'ai laissé en yincha le petit bâtard. Avec elle on parlait mariage, mais j'ai rencontré Mélissa, Jasmine, Adèle, Julie et cette grosse pute de Cassandra. En vrai va pas à l'école, fais plutôt comme le padré. Tu pourras taper le petit Escobar pendant la récré. On voulait pas toi, même on se permettait performant. Ta mère buvait et fumait en guise d'avortement. Faut pas que tu sois gentil, de façon ça sert à rien les amis. L'avenir t'appartient, t'auras que la gloire en ta compagnie. Fais toujours de spi quand t'es pas sûr de la qualité. Toujours on reconnaît la saleté à son odeur. Mon plage est tagué sur les murs de toutes les cités. Un jour, petit prince deviendra l'empereur. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre pour finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Bourrer tes beurrets ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et ne jamais demander pardon. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre pour finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Bourrer tes beurrets ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et jamais demander pardon. J'aurais aimé te voir grandir et t'apprendre à faire du sale. C'est pas notre truc de sourire, ma mère, j'suis désagréable. Faut profiter des autres et abuser de leur gentillesse. Traiter les meufs de salopes pendant que tu les caresses. Fais honneur à la famille, va pas baiser des boudins. Fume des joints du soir au matin, mais t'arrives à toutes ces catins. Fais du pif, j'étais déjà millionnaire à ton âge. Fais du sale, du sale, du sale, c'est pas toi qui feras le ménage. Va sur ma chaîne YouPorn, y'a la sextape où j'baisse ta mère. Un vrai documentaire où t'apprends plus que le Kama Sutra. Des positions qui existent même pas, j'défie les lois de la gravité. J'me protégeais jamais, d'ailleurs t'as sûrement déjà le sida. Des capsules dans sa chatte, faudrait pas t'abîmer les dents. J'vais prendre les rênes des enfers, diffuse le mal dans le monde des vivants. Pas la peine d'essayer, tu pourras jamais être comme eux. T'es l'enfant du péché tout en étant le fils d'un dieu. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre ou finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Fourrer tes beurrets ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et ne jamais demander pardon. Je peux me faire buter d'un jour à l'autre ou finir mes jours en prison. Faut que tu prennes soin du royaume, tu sois digne de ma succession. Fourrer tes beurrets ta foison, pratiquer le sale avec passion. Faire du mal aux autres et ne jamais demander pardon. Oh.